Si tu me demandes qui est mon Dieu, qui me donne la force d'être si heureux, si tu me demandes qui est mon Dieu, c'est le Créateur des cieux, c'est le Créateur des cieux. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Si tu me demandes quel est mon livre, celui que je tiens dans la main. Tu me demandes quel est mon livre, c'est celui qui montre le chemin, le Coran, le livre saint. <t'en>